nous a dit: je ne peux n'en garder qu'un sur deux. On va faire comme à Love Story et voter pour celui qui joue le mieux. Mais comme on avait nos deux voix, on s'est retrouvé égalité. J'ai voté pour lui, lui pour moi. Et un long silence a plané. Alors il a dit: les amis, en prenant un air sévère, on va faire comme au juste prix et par les chiffres et affaires. Il entame les négociations en nous regardant tour à tour. L'assistance que nous composions ne comprenait rien à son discours. Et mec, nous ce qu'on désire, c'est faire la fête toutes les nuits, vivre dans la joie, le plaisir, au bord de la folie, ne plus se rendre compte de rien et jouer de la guitare à s'en arracher les mains, puisque tout est dérisoire. Tananana, tanana, tananana, tanana, tanana, tanana. Soudain il m'a regardé bien droit, jeté avec un regard noir. Bah, tu préfères vivre comme un roi ou de galérer à Fort Boyard? J'ai les moyens de te procurer fille, voiture, gloire, pognon. Mon pauvre ami, si tu savais, c'est un monde pourri la chanson. Grand tes oreilles, parce qu'on ne le répétera pas, on se foutra pas dans l'appareil qui fera de nous des gens tout plats. Mais l'on fera ce que l'on veut, dépourvu de conseils avisés, et sans doute que l'on vivra mieux sans tous tes jeux télévisés. Et mec, nous ce qu'on désire, c'est faire la fête toutes les nuits, vivre dans la joie, le plaisir, au bord de la folie, ne plus se rendre compte de rien et jouer de la guitare à s'en arracher les mains, puisque tout est dérisoire. Ta-na-na-na, ta-na-na.